sais bien ce tour à part. Pars en voyage aux Philippines pour trouver des gamins et des gamines. Il a vraiment un cœur en or. Un cœur en or. Il les sort de la tristesse de la rue pour les inviter dans sa chambre. Les enfants n'auraient jamais cru qu'on puisse être aussi tendre. Aussi tendre. Il les présente à ses amis, tous plus gentils les uns que les autres. Ces messieurs-là ne font pas de chichi, pas comme Jésus et ses apôtres. Et ses apôtres. Chacun à notre manière, nous posons notre petite pierre au grand édifice de l'amour. Attends, je suis sûr que tu peux faire mieux. Thank you.